L'autre porte, à mes pieds, montrait son cintre obscur noir comme une fumée, et ridé comme un mur, vaguement aperçu sous des épaisseurs mornes, mêlant ses bords confus aux profondeurs sans bornes, espèce d'antre en ténèbres construit, cratère de brume et couronnant la nuit. Cette porte semblait la bouche des abîmes. Songeant à tous les maux qui ci-bas nous subîment, mon esprit, où la crainte accompagne l'espoir, du portail rayonnant allait au porche noir. Et me ressouvenant de ce qu'on fait sur terre, j'entrevis que c'étaient les portes du mystère. Soudain, tout s'éclipsa, brusquement obscurci.